Chapitre 7e. On avait dû revenir lentement au pays des Alpes. Bangkok avait examiné la blessure du jeune homme et avait constaté que fort heureusement la balle n'avait pas pénétré dans la boîte crânienne. Seulement, la plaie, sans être profonde, avait déterminé une forte hémorragie qui l'avait grandement affaibli. Après un premier pansement, il avait fallu prendre des précautions pour ne pas fatiguer le malade, qui parfois semblait en proie à une sorte de surexcitation évidemment déterminée par l'émotion que lui avait causée la vue de ses congénères. Quand on était arrivé à la hutte, la bonne oie avait poussé des cris de désespoir. Il lui semblait encore une fois que c'était son enfant à elle qui était frappé. Et Toho, lui ayant raconté ce qui s'était passé, dénonçant les hommes comme les meurtriers de Joe, la brave Pitek s'exaspéra. Elle voulait courir après eux, les atteindre, les tordre entre ses bras énormes. Car il éprouvait contre ces monstres une haine, née du mal que déjà il lui avait fait, agrandie de celui qu'il venait de faire encore en frappant cet adolescent qu'elle aimait, à ce point d'oublier qu'il appartenait à l'espèce maudite. Les autres apes étaient venus à la hutte de Toho. Eux aussi avaient écouté son récit et avaient compris. Mais chez eux, le sentiment éveillé était moins de colère que de terreur. Une épouvante les saisissait. Dans les légendes obscures que les pères transmettaient aux enfants, il y avait de très vagues souvenirs de tueries, de chasses menées contre les apes, par les hommes qui les avaient refoulés, en fuites et perdus, dans les solitudes où du moins ils se croyaient en paix. Tandis que Bangkok et Toho s'empressaient auprès du blessé, ils se réunirent à quelque distance de la hutte et là, conversèrent entre eux avec force gestes. L'un d'eux, un vieux Pitek aux poils blanchis, leur expliquait quelque chose en désignant la hutte de ses doigts crochus. Des grondements saluaient les périodes bien scandées de son discours par des cris bizarrement modulés. La face des apes se contractait, les femelles surtout semblaient peu à peu s'irriter et montaient un paroxysme de fureur. Mais le vieil ape, ardemment, leur prêchait la patience, du moins pour un temps. Il se frappait la poitrine qui sonnait sous son poing comme un coffre vide et en même temps relevait la tête d'un air de défi. Rien qu'à sa pantomime, on devinait qu'il prenait en main la cause des apes et qu'il répondait de tout. On verrait bien ce que deviendrait l'affaire dès qu'il s'en mêlerait. Quelle affaire ! Le vieux Pitek, un ancêtre au moins sexagénaire, était un colosse aux membres noueux, aux épaules énormes, plantées sur ses jambes arquées comme sur deux piliers. Il frayait peu avec Toho, comme si, entre deux, il avait existé une sourde rivalité. Le fait est que naguère, Roka, c'était le nom de cette ape, avait prétendu disputer Wa, alors très jeune, à Toho, qu'elle avait choisi pour compagnon. Il y avait eu combat, Roka avait été vaincu. 20 années s'étaient passées depuis lors, mais chez ces êtres encore plus près que l'homme de l'animalité, les rancunes étaient tenaces. Peut-être allait-il trouver enfin l'occasion d'assouvir une vengeance qui couvait depuis si longtemps. Les autres n'étaient que des faibles, des brutes ignorantes, toutes prêtes à se laisser mener selon la passion de l'heure. Cependant, Bangkok, habilement, pansait la blessure de George et rassurait Wa. C'était en somme une contusion sans gravité, quelques compresses d'une herbe saine, du repos, et il n'y paraîtrait plus. Du reste, voici que déjà il revenait à lui, et ne se rendant pas exactement compte de ce qui s'était passé, croyait sortir d'un mauvais rêve. Bangkok, prudemment, réveillait ses souvenirs. Et George fondit en larmes. C'était vrai pourtant que lui, si heureux, si choyé au milieu des apes, si paisible entre Toho et Ba, avait été traité par des frères humains comme une bête fauve. Ils avaient voulu le tuer, et cela, au moment où, dans l'élan de son cœur, il courait au-devant d'eux, les mains ouvertes pour les serrer dans ses bras. Ce lui était une désillusion profonde, comme si quelque chose s'était brisé en lui, et tendant la main à Bangkok, il lui disait tristement « Il est donc bien vrai que les hommes sont méchants et cruels. »« Laissez-moi seul avec lui, » dit le Hollandais à Toho, « je saurai le calmer. » Toho sortit de la hutte, pensif. Il avait de douloureux pressentiments, et sa haute taille se courbait comme si un poids se fût alourdi sur ses épaules. Et comme il s'éloignait, la tête baissée, sans regarder autour de lui, l'énorme silhouette de Roka se dressa devant lui. Celui-là ne parlait que la langue fruste des apes, s'étant refusé aux enseignements apportés par le Hollandais. sa voix était rauque, dure, jetant les monosyllabes brutalement hachées. « Toho, j'ai à te parler. »« Je t'écoute. » »« Toho, nous sommes trahis. »« Que veux-tu dire ?»« Que les ennemis qui sont au milieu de nous veulent nous livrer. » »« De quels ennemis veux-tu parler ?»« De l'étranger, Van Kok, du jeune Joe. » »« Ce ne sont pas des ennemis, mais des amis. » »« Tu mens, ou ils te trompent. Ce sont eux qui ont attiré ici les hommes pour nous traquer et nous tuer. » Tu es fou. C'est Van Kok qui nous a défendus, sauvés, pour mieux te tromper, pour endormir tes défiances. Mais George a été frappé. Les hommes ne l'ont pas reconnu pour un des leurs. Ils l'ont pris pour un nappe, comme toi. En vain, Toho discutait. Roca ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre, et les autres, qui s'étaient rapprochés, l'appuyaient. Maintenant, c'étaient les plus stupides imaginations qui prenaient corps, qui s'affirmaient. Pourquoi une mortalité s'était-elle abattue sur les Apes, sinon parce que Van Kok et George, par leur maléfice, car ces brutes croyaient à une sorte de magie noire, avaient empoisonné les sources, les herbes, les fruits des arbres? Les femelles leur reprochaient la mort de leur nouveau-né, les mâles leur attribuaient leur tare, leur blessure. Et le cri s'éleva, définitif, menaçant. Il fallait tuer Van Kok, il fallait tuer Joe. Puis, on déserterait le pays. Il en était un autre, peu éloigné, qu'il connaissait bien, car il l'avait habité autrefois, où les solitudes étaient encore plus profondes, les montagnes plus escarpées, où l'homme n'avait pas pénétré. Il parlait de Java, qui pour eux était le véritable Apland. Il se jetterait à la nage, traverserait la mer, le détroit de la sonde, puis, longeant les côtes, ils aborderaient sur des rives désertes, d'où ils se lanceraient à travers les forêts. De fait, la terreur les incitait à la fuite, n'importe où. Le voisinage de l'homme, qu'ils devinaient proche, presque présent, faisait grelotter les femelles qui se perdaient en lamentations, dont s'augmentait la peur et la fureur des Apes. Incapables de raisonner, figés dans leur idée simpliste, ils voulaient partir. Mais auparavant, ils entendaient se venger. Et autour de Toho, dont l'intelligence plus ouverte appréciait leur injustice, ils se poussaient avec des grimaces et des gestes menaçants. Animal à peine évadé de la bestialité, Toho avait des rages folles. La colère montait à son énorme tête, et c'était à grand-peine qu'il se contenait, sentant que d'une seconde à l'autre, les Apes allaient le toucher. Si une des mains brandies s'abattait sur lui, c'en était fait. L'animalité reprenait le dessus et il frappait à son tour. Aussi, il reculait pas à pas, les mâchoires claquantes, les poings crispés. Un nouveau cri retentit. Cette fois, celui qui l'avait lancé l'accusait lui-même d'être passé au parti des hommes et de trahir ses amis. Le voyant reculer, ces lâches se croyaient les plus forts, et aussi ingrats que les foules humaines, voulaient prendre leur revanche de sa supériorité. Une injure, un certain grognement, qui chez les Apes était la forme du plus violent mépris, lui fut lancé. C'en était trop. Il s'arrêta brusquement, détendant ses deux bras avec une violence de ressort, et il saisit son insulteur à la gorge, et le soulevant de terre, il le fit tourner dans l'air, atteignant de ses membres qui balaient les Apes groupés et furieux. « Toho, Toho !» cria une voix derrière lui. C'était Van Kok qui sortait de la hutte, tout joyeux, certain maintenant de la guérison de George. Il vit la terrible scène, comprit, s'élança. Les Apes, l'apercevant, lui, leur principal ennemi, à qui, stupidement, ils attribuaient leurs maux et leurs périls, se ruèrent à sa rencontre. Toho lâcha celui qu'il tenait et qu'alla s'abattre dans un massif de lianes et d'un bond courut au secours de Van Kok. Mais celui-ci, prévoyant le danger, avait brandi sa fameuse baguette et devant les Apes, sans les toucher, il faisait jaillir dans l'air un crépitement d'étincelles qui se croisait, tourbillonnait, mettait devant lui une barrière infranchissable. Et l'émoi des Apes fut tel que tout à coup, désorientés, affolés, ils tournèrent le dos et s'enfuirent en poussant des vociférations d'horreur. Le feu d'artifice s'éteignit. « Que se passe-t-il donc ?» demanda Van Kok à Toho. Celui-ci rapidement s'expliqua. « Bon, » fit le Hollandais en riant. « Ce sont de grands enfants qui se calment aussi vite qu'ils s'emportent. Je me réconcilierai avec eux. » Mais Toho secouait la tête. Il connaissait ses congénères. Il savait avec quelle difficulté il avait pu naguère leur faire accepter la présence parmi eux d'un homme et d'un enfant. Roca exploitait contre le Hollandais et contre lui-même le souvenir de la tragédie du défilé. en admettant qu'ils revinssent au calme, ce ne serait qu'hypocrisie. Donc nous sommes entre deux dangers, dit Van Gogh. Ici, les âpes qui nous veulent mal de mort, là-bas, les hommes qui sont en chemin de pénétrer jusqu'ici. Pour moi, je ne demande pas quel est le plus terrible. Je le sais, c'est l'homme. À mesure qu'il vieillissait, le vieil Hollandais avait plus ancrée, plus profonde, la haine de ses congénères. Il préférait les âpes, avec leur sauvagerie, avec leurs animosités spontanées qu'il redoutait moins que ce qu'il appelait les tartufferies humaines. « Écoute, dit-il à Toro, et d'ici quelque temps ils se tiendront quoi ? De ce côté le péril n'est pas imminent. Il n'en va pas de même de l'autre côté. La troupe qui vous a surpris, toi et Georges, n'a pas été détruite. Je connais ma race. Elle ne s'embarrasse pas de quelques morts, et après un désastre, n'est que plus ardente à marcher de l'avant. Donc, je suis convaincu que ces hommes, après quelque temps d'hésitation, se seront remis en marche pour gagner nos montagnes. Combien sont-ils ? Nous n'en savons rien. Ce qu'il faut, c'est les empêcher d'avancer et leur ôter à jamais l'envie de s'aventurer dans ces pays qu'ils devront redouter et maudire. Je vais partir, me mettre en campagne. J'ai encore le pied sûr et la tête solide. Je saurai bien découvrir le secret de cette aventure. Je vais avec vous, dit simplement Toro. Y penses-tu ? Et Georges ? Et Wa ? Vas-tu les laisser au pouvoir des révoltés ? Nous les emmènerons, dit Toro. Georges ne peut encore marcher, supporter une fatigue. Je le porterai. Longtemps ils discutèrent, mais Toro était tenace. Il fut convenu qu'ils attendraient 2 jours, puis qu'ils se mettraient en route avec Wa et Georges. En fait, il s'agissait pour les âpes d'une question de vie ou de mort. Les autres, les révoltés, comme disait Van Gogh, avaient disparu. Et pendant ces 48 heures, on n'entendit plus parler d'eux. À l'heure dite, le groupe se mit en route. Georges était déjà presque rétabli, et c'était la bonne Oie qui s'était constituée, son garde du corps.